bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Je suis toujours bien accompagné avec Aurore. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. On va parler une nouvelle fois de cinéma. Donc notre coup de cœur, et on est ravi parce que les Oscars se sont déroulés il y a peu, a remporté 3 prix. C'est The Brutalist, un film fleuve puisqu'il dure 3h30. Oui. Ce n'est pas rien. Il y a quand même un petit entracte de 15 minutes. Oui. Donc pour la petite histoire, fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Laszlo Toth arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme Erzsébet, que les fluctuations de frontières et de régimes de l'Europe en guerre ont gravement mis à mal. Livré à lui-même, en terre étrangère, Laszlo pose ses valises en Pennsylvanie, où l'éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur, mais le pouvoir et la postérité ont un lourd coup. Rien que ça. Alors, c'est réalisé par Brady Corbett, avec donc un casting impressionnant, puisqu'on a Adrian Brody, Felicity Jones, Guy Pearce aussi, notamment, Stacy Martin aussi, qu'on retrouve dans un petit rôle. Alors, qu'en as-tu pensé, Aurore? Eh bien, je pense que, du coup, tu parlais des Oscars. Je pense que ça résume assez bien le film, les récompenses qu'il a eues. Donc, du coup, effectivement, donc, Oscar du meilleur acteur pour Adrian Brody. Effectivement, c'est totalement mérité. Oui. C'est un personnage qui est très énigmatique, très, très mystérieux. On n'arrive pas trop à savoir ce qu'il pense. Il parle très peu. Et du coup, ça laisse énormément place à l'architecture, à la photographie, pour laquelle il a eu du coup l'Oscar, pour la meilleure photographie. Et effectivement, j'ai été assez surprise. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en allant voir le film. Oui, alors effectivement, 3h35, il est long. Enfin, la première partie, on l'a sent passer, j'ai trouvé. Et après, à partir de l'entracte, ça se déroule extrêmement facilement. La deuxième partie est beaucoup plus rapide et on la sent beaucoup moins passer. Alors que ouais, la première partie, moi, je l'ai trouvée extrêmement longue. Ok, mais, moi, j'ai pas ressenti. Ah oui. Ouais, mais j'en parlerai après. mais oui, effectivement, c'est très passif, c'est très contemplatif comme film. Du coup, forcément, oui, 3h35 de contemplation, ça peut être un petit peu long. Ça soulève énormément de messages très... très très intéressant, ça laisse réfléchir du coup sur tout ce qui se passe. C'est un film qui a été très compliqué à tourner. Le montage, c'était apparemment un enfer. Ils savaient pas du tout. Ils ont fait en premier le scénario, ils ont commencé à filmer sauf qu'il y a eu le Covid, donc du coup ils ont arrêté de filmer, ils ont changé le casting. Du coup, Adrien Brody a rejoint après le casting. Et apparemment, au montage, c'était une vraie galère. Et quand ils ont présenté le film, c'était où? C'était à Cannes? Non, c'était pas Cannes. Non, je ne sais plus. Ça devait être dans un autre festival, je crois. C'est ça, ouais. C'était pas à Cannes. Et ils ont eu un standing ovation immense. Et du coup, c'est comme ça que le film a été lancé. Oui, en plus, c'est vrai que le réalisateur Brady Corbett, c'est pas qu'il sort de nulle part parce qu'il a déjà réalisé des films, mais je veux dire, en termes de long métrage, il avait fait Vox Lux avec Nathalie Portman, dont on n'avait pas entendu parler, qui était sorti directement vidéo chez nous, et L'enfance d'un chef il y a 10 ans. Voilà, Inconnu au bataillon. Donc c'est vrai que pour le coup, j'avais lu également qu'on s'en réalisateur avec son épouse qui œuvre aussi avec lui dans le métier. En fait, ils ne vivaient pas de leur précédent film, ils vivaient de leur publicité. Du coup, a priori, donc c'est vrai que pour le coup, c'est une belle consécration pour ce réalisateur qui a 36 ans. Il est jeune, donc voilà, il a encore, j'espère pour lui, un beau parcours, surtout avec The Brutalist, qui a quand même remporté le Lion d'Argent aussi à la Mostra de Venise. Oui, c'est ça. Pas mal de Golden Globe et de BAFTA aussi. Justement, c'est à la Mostra qu'ils ont eu la Stéphane Gavachin, voilà, qui était le premier. Exactement, oui, c'était je crois que dans les cérémonies, c'est la Mostra qui arrive en premier. Enfin, je crois. Ça doit être ça. Parce qu'après, ça se resserre et à quelques jours d'intervalle, il y a un peu toutes les cérémonies. Alors moi, clairement, oui, c'est un film à voir au cinéma. Ah oui, c'est une vraie expérience choix, ouais. Visuelle, sonore, en effet, parce qu'il a aussi l'Oscar du meilleur film. C'est vrai je trouve qu'il y a des très belles musiques dans le film qui restent en tête en plus. Tu te remets en tête en plus certains moments, certaines scènes. Et comme tu dis, il y a beaucoup de sous-textes dans le film. C'est-à-dire que, certes, il y a de la contemplation, mais ça en dit long sur beaucoup de choses derrière. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Alors moi, la première partie, étonnamment, moi, je ne l'ai pas trop senti passer. Ah oui. Plus la deuxième, je ne sais pas pourquoi. En fait, la première partie, je ne sais pas, j'étais yeux grands ouverts, attentif à tout ce qui se passait. Et je me suis dit, ah, ça arrive déjà l'entracte. En fait, moi, personnellement, s'il n'y avait pas eu d'entracte, ça ne m'aurait pas dérangé. Le film, finalement, il dure 3h15 sans entracte. Il y a déjà eu des films de 3h15. Sauf erreur de ma part, Killers of the Flower Moon durait à peu près au moins 3h. Oui, à quelque chose près. Donc finalement, faire un entracte, je ne sais pas si c'était utile. Bon, après, c'est mon avis personnel. Après, c'est peut-être... Alors, je ne sais pas... Le fait d'avoir été prévenu et de savoir qu'il y avait une entracte fait qu'on l'attend. Oui. C'est ça. Je pense que inconsciemment, en fait, du coup, on se dit, punaise, c'est toujours pas l'entracte. Enfin, voilà. Et mais effectivement, en fait, on admire en fait le film tout du long et l'architecture, le grandiose, le simplisme, mais aussi l'architecture immense. Enfin, on voit la bibliothèque, même le bâtiment qu'il construit par la suite. C'est très très monochrome. Très très blanc, très grand, mais ça sert énormément au personnage très mégalo qui est joué par c'est Guy Pearce. Guy Pearce, ouais, voilà, il joue très très bien d'ailleurs le rôle aussi. Et du coup, le film en effet évoque le rêve américain qui n'est pas celui auquel on peut s'attendre, avec bien évidemment en sous-texte les ravages de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la Shoah entre autres. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a un peu d'amour, on va dire, qui s'y mêle aussi. Et il y a un peu cette désillusion. Ça parle de l'architecture, bien sûr, aussi, parce qu'il est, architecte. Moi, personnellement, qui étais novice en architecture, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un film, je trouve, la bande-annonce, clairement, ne disait pas grand-chose. Je sais même pas si j'ai le souvenir vraiment d'une bande-annonce où en fait le titre The Brutalist défile et on voit donc des images du film qui arrivent dans les lettres de The Brutalist, avec vraiment aussi cette musique du coup très présente qu'on retrouve dans le film, et c'est tout. Donc c'est vrai que tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais c'est vrai que c'est une vraie expérience de cinéma. Et au-delà donc de Guy Pearce et Adrien Brody, il y a aussi Felicity Jones. Et c'est vrai que finalement, on sent que dans le film, les femmes sont un peu relégées au second plan. Même temps, voilà. Bon, après, c'était peut-être l'époque qui voulait ça. Mais en même temps, on sent une certaine affirmation et on sent qu'elles sont toujours quand même derrière les hommes. Lui, l'acteur principal, Irene Brody, sa femme est quand même très importante pour lui. C'est voire même son moteur. Est très passif, en fait. Oui, ah bah oui. Tout dans le film. C'est vrai. Je pense qu'on pourrait compter ses lignes de dialogue. Il n'y en a pas énormément. C'est quelqu'un de très passif, très pragmatique. On n'arrive pas à comprendre ce qu'il pense. Et sa femme, effectivement, c'est la personne qui parle, en fait. Oui, oui. C'est exactement ce qui se passe à la fin du film, en fait. C'est elle qui parle, c'est elle qui parle à sa place, qui dénonce, etc., ce qui se passe. Lui, il vit le truc, mais il dit rien, il est totalement passif. Et effectivement, sa femme... oui, c'est ça, en fait, les femmes sont en second plan, mais parlent pour les hommes et dénoncent, en fait, les choses qui ne sont pas dites. Les atrocités. Et le film, alors certes, il est long, mais... Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas trop ressenti, parce que je trouve qu'il est quand même bien rythmé, et le fait qu'il soit décomposé en trois grandes parties, avec un prologue et un épilogue, je trouve ça bien. Je trouve la fin hyper intéressante, la façon dont c'est amené, qui résume un peu tout le film, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si le film est parfait, mais en tout cas... d'un point de vue technique, je pense que toi, Aurore, tu t'y connais mieux que moi. Je pense qu'il y a pas grand chose à en redire. Ah oui, non. Après, parfait. C'est une très bonne expérience de cinéma. Ça, effectivement, le voir dans son salon, c'est. Enfin, oui. Là, par contre, les 3h30, on les sent. Oui, je pense. Oui. Des films en partie, il y en a de plus en plus. Oui, c'est vrai, ça te fait de plus en plus. J'ai un peu de mal parce que justement c'est séquencé et du coup on attend la partie suivante tout le temps. Vraiment cette impression d'attente, en plus là introduction, épilogue, on sent l'épilogue, du coup on sait que c'est la fin, enfin oui, c'est ça sert parce que du coup on sait d'où on en est, mais d'un autre côté c'est ça contraint le film à, du coup on attend en fait la fin. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah, épilogue, bon, bah, ça y est, ça, oui, ça va être la fin, ça va arriver. Puis on attend, pas de générique, enfin, voilà. mais effectivement, c'est un film très, très intéressant à voir, à entendre. Mm. Et on en apprend plus ou moins, bah, plutôt sur le rêve américain, parce qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale, on voit juste qu'ils sont détruits, oui, par ça, bien et sûr, que les Américains n'en ont aucune, oui, enfin, aucune compassion. Ah bah ça, c'est sûr, oui, il y a plus un côté psychologique, c'est le personnage, c'est du ça, coup, voilà, on le voit vraiment, bah, comme tu disais, meurtri, il est mutique, quoi, il parle. Effectivement, peu. Et en fait, les personnages, ces victimes de la Seconde Guerre, en fait, ils viennent aux États-Unis juste pour vivre le rêve américain, mais. Mais en fait, ils sont juste vus comme des immigrés qui viennent profiter en fait des personnes qui sont déjà sur place. Oui, exactement. Et effectivement, c'est la dure réalité de comment ils sont accueillis. Ça, c'est extrêmement rare de voir ça dans les films. Hein. C'est vrai. Le rêve américain est une très très grande chose aux États-Unis. Et là, c'est dépeint comme étant une chose extrêmement froide, extrêmement monochrome, très asymétrique, hein. Oui, c'est oui, très, oui, asymétrique, oui, c'est vrai, et, oui, et froid, et que ils doivent se, bah voilà, il faut s'intégrer, il faut faire un effort sur son accent, il faut changer sa personnalité pour pouvoir coller à ce que la société souhaite, en fait. Et exactement, c'est oui, c'est un gros message sur l'actualité, évidemment. Ah bah oui, il fait écho, bien sûr. Et voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que, du coup, il a eu ce succès-là. C'est que, voilà, il y a un message à la fois extrêmement actuel et critique de ce qui se passe. Ouais. En tout cas, on ne peut que vous encourager à aller voir The Brutalist. Voilà, c'est notre coup de cœur. Voilà, les Oscars l'ont auréolé de 3 récompenses. Voilà, je pense que pour le coup, il va rester encore un petit peu au cinéma. Je sais pas, voilà, si en France, il a son petit succès, mais je pense que, voilà, il va quand même trouver son public. C'est pas un film grand public, certes. Non. On est plus, ça lance plus sur le film d'auteur, mais pour le coup, voilà, c'est une vraie belle expérience de cinéma. Et voilà, il n'y a qu'une chose à dire, allez le voir. Après ce coup de cœur cinématographique, voilà, Aurore, comme à son habitude, déniche des faits étonnants, surprenants. Alors, vas-y, surprends-moi une nouvelle fois, parce que moi, à chaque fois, je découvre plein de choses. Est-ce que tu connais Taken? Oui. Les 3 films, ah bah oui, qu'ils ont, bien qu'ils sûr, ont fait. Ah bah, moi, j'adore. La trilogie. Oui. Surtout le premier, de Taken. Incroyable. Voilà. Et ben, en fait, Liam Neeson, oui, qui est donc, du coup, qui a le rôle principal dans le film, en fait, il pensait que le film allait fonctionner, mais sans plus. Sauf qu'en fait, il a accepté le rôle simplement parce qu'il y avait un cours de karaté. Et dans le film, il fait énormément de, oui, de karaté, judo, arts martiaux, etc. Et donc, le film se passait à Paris, enfin, était filmé à Paris. Et il y avait un cours de karaté qui l'intéressait énormément. Et du coup, il a dit, bon, bah, je vais accepter le film juste pour faire ce cours-là pendant 4 mois. Et donc, du coup, pouvoir suivre son cours. Ah ouais, bah ça, c'est pas mal. Voilà. Bah voilà, il a l'utile et l'agréable, écoute, ça, hein, il a raison, hein, il profite que les frais soient remboursés. Hein. C'est ça. Ah bah ça, c'est pas mal. Bon, après, c'est vrai que dans le film, en plus, il se bat, donc ça lui a été utile. Bien sûr, bien évidemment. Très bien, merci Aurore. Alors, maintenant, si on se projette un petit peu dans les prochaines semaines, là, voilà, le mois de mars arrive, voilà, il va commencer à y avoir de plus en plus de sorties de films en tout genre. Alors, là, ça arrive mercredi 5 mars, c'est le prochain film de Bong Joon-ho, Mickey 17. Alors, Bong Joon-ho, bien évidemment, pour ceux qui auraient oublié, c'est quand même Parasite, qui a eu tous les prix, enfin je sais pas, mais oui, il a eu quand même Palme d'Or et Oscar du meilleur film, oui, rien que ça. Donc il s'agit de l'adaptation d'un roman, Mickey 7, paru en 2022. Donc pour la petite histoire, Mickey est un « expendable », entre guillemets, un employé jetable d'une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde de glace, Niflheim. Après la mort d'une itération, un nouveau corps est à chaque fois régénéré avec la plupart des souvenirs de Mickey. Mais à un moment donné, ça part en cacahuète, puisque logiquement, bah, il est censé mourir et revivre, voilà, sous une nouvelle forme. Sauf que là, à un moment donné, bah, ils vont se retrouver avec plusieurs corps, à être vivants en même temps. Donc ça va foutre le bazar. Il va y avoir voilà, toute une histoire assez rocambolesque. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Autant Parasite, ça a été vraiment la surprise et c'était incroyable. Autant là, c'est un film qui mélange la science-fiction, le drame, je ne sais pas trop. Et le film dure plus de 2 heures. Bon, il y a quand même un sacré casting avec Robert Pattinson en tête d'affiche. Mais ça a l'air complètement barré. Donc, je pense que ça va être un double tranchant, ce film. Soit on aime, soit on n'aime pas. Oui, enfin, on verra bien. Mais bon, après, connaissant Bong Joon-ho, voilà, je me dis, c'est quand même un réalisateur, il a fait quand même des sacrés films. Donc, croisons les doigts, peut-être que ça sera le prochain film dont on parlera, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Et toi, Aurore ? Eh ben moi, c'est un film qui sort la semaine suivante, le 12 mars. Oui. C'est un film d'espionnage thriller de Steven Soderbergh, oui. Notamment avec Cate Blanchett dans le casting. Donc, c'est un film d'espionnage haletant qui raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre son pays. Bon, l'histoire n'a pas l'air nouvelle. Enfin, non, ça fait un peu penser, pas Mr. and Mrs. Smith, mais c'est pas, il y a un côté un peu, oui. C'est ça. Après, ouais. Voilà, ça reste un film d'espionnage. Oui. Voilà, c'est toujours très intéressant. Mais il y a un très beau casting. Oui, ouais, effectivement. Ouais. Bon, bah écoute, pourquoi pas ? Affaire à suivre. Bon, en tout cas, voilà, on ne va pas s'ennuyer dans les prochaines semaines. Je vous le rappelle, n'oubliez pas d'aller voir The Brutalist. Et nous, on se retrouve bientôt pour parler une nouvelle fois de cinéma. À bientôt, Aurore. À bientôt.